va le dernier soleil d'automne. Il vient chauffer encore les feuilles mortes sur les dernières fleurs. Il s'abandonne avant que les froids de novembre ne l'emportent. Toi, si tu veux comprendre la tendresse, donne-toi comme lui. Terre aride s'ouvre pour embrasser les grandes pluies d'été. Et quand tu l'auras vu, tu seras riche. Alors tu reviendras. Et reviens me tendre la main.